Allons enfants de la putain, casser les reins de ces vauriens, briser les fiottes en patriotes à coups de bottes. L'enfant sauvage fait des ravages sur nos rivages, il n'est pas sage de faire naufrage, de faire semblant pour une image, de faire le mort sur une plage. Formez vos bataillons, matons les trublions, allons enfants de l'indécence, brisez le cou de l'innocence. Ils vont venir comme des vampires, baiser nos femmes et nos menhirs. La résistance est notre chance, l'identité notre violence. Il faut se protéger, car ils viendront bouffer nos beaux petits souliers et nos enfants apprêtés. Lâchez vos coups.